Chapitre 60e. La figure d'Olivier Raymond lorsqu'il entra chez M. de la Rochegue exprimait un étonnement mêlé de curiosité. Le baron le salua d'un air courtois et, lui faisant signe de s'asseoir, lui dit « C'est à M. Olivier Raymond que j'ai l'honneur de parler. Oui, monsieur. Sous-lieutenant au 3e régiment de hussards. Oui, monsieur. D'après la lettre que j'ai eu l'honneur de vous écrire, monsieur, vous avez vu que je m'appelais Monsieur le baron de la Rochegue, monsieur, et je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Puis-je savoir maintenant de quelle affaire importante et personnelle vous avez à m'entretenir ? Certainement, monsieur. Veuillez me prêter une scrupuleuse attention et surtout ne pas vous étonner de ce qu'il peut y avoir de singulier, d'étrange, d'extraordinaire même, dans les faits que je vais avoir l'honneur de vous communiquer. » Olivier regarda le formaliste baron avec une nouvelle surprise, tandis que le tuteur de Mademoiselle de Beauménil jetait un imperceptible regard vers la portière qui fermait le salon dans lequel Herminie, Ernestine et M. de Maillefort étaient réunis écoutant cet entretien. « Monsieur, reprit le baron en s'adressant à Olivier, il y a quelque temps vous êtes allé à un château près de Luzarches, afin d'aider un maître maçon à établir le relevé des travaux qu'il avait entrepris dans cette propriété. « Cela est vrai, monsieur, » répondit Olivier, ne voyant pas où tendait cette question. « Ces relevés terminés, vous êtes resté plusieurs jours au château afin de vous occuper de différents comptes et écritures que le régisseur vous a proposé de faire pour lui. « Cela est encore vrai, monsieur. Ce château, » reprit le baron d'un air important, appartient à Mademoiselle de Beauménil, la plus riche héritière de France. C'est en effet, monsieur, ce que j'avais appris durant mon séjour dans cette propriété. Mais puis-je enfin savoir le but de ces questions ? À l'instant même, monsieur. Seulement, veuillez me faire la grâce de jeter les yeux sur cet acte. Et le baron prit sur son bureau une double feuille de papier timbré qu'il remit à Olivier. Pendant que celui-ci, de plus en plus étonné, parcourait ce papier, le baron reprit « Vous verrez par cet acte, monsieur, qui est un double de la délibération du conseil de famille, convoqué après le décès de feu Madame la comtesse de Beauménil, vous verrez, dis-je, par cet acte, que je suis tuteur et curateur de Mademoiselle de Beauménil. » « En effet, monsieur, » répondit Olivier en entendant l'acte baron, « mais je ne comprends pas de quel intérêt cette communication peut être pour moi. » Je tenais d'abord, monsieur, à vous édifier sur ma position légale, officielle, judiciaire, auprès de Mademoiselle de Beauménil, afin que tout ce que je pourrais avoir l'honneur de vous dire au sujet de ma pupille ait à vos yeux une autorité évidente, irrésistible, incontestable. Ce langage, monotone et mesuré comme le mouvement d'un pendule, commença d'impatienter d'autant plus Olivier qu'il ne pouvait s'imaginer où devaient aboutir ces graves préliminaires. Aussi regarda-t-il le baron d'un air si ébahi que M. de la Rochegue se dit « On croirait en vérité que je lui parle hébreu. Il ne sourcit pas au nom de Mademoiselle de Beauménil. Il n'a point seulement l'air de connaître. Qu'est-ce que tout cela signifie ? Ce diable de marquis avait bien raison de me dire que je devais m'attendre à de surprenantes choses. Pourrais-je enfin savoir, monsieur ? Reprit Olivier avec une vivacité contenue. « En quoi il m'intéresse que vous soyez ou non le tuteur de Mademoiselle de Beauménil ?»« Arrivons au mensonge, » se dit le baron, « et voyons les faits. » Puis il reprit tout haut. « Monsieur, vous avez fait, ainsi que vous vous en êtes convenu, un assez long séjour au château de Beauménil. »« Oui, monsieur, » répondit Olivier avec une impatience de plus en plus difficile à modérer. « Je vous l'ai déjà dit. » Vous ignoriez peut-être, monsieur, que Mademoiselle de Beauménil se trouvait à ce château en même temps que vous. Mademoiselle de Beauménil ? Oui, monsieur, reprit imperturbablement le baron en pensant qu'il mentait avec une aisance et un aplomb diplomatique. Oui, monsieur, Mademoiselle de Beauménil se trouvait à ce château pendant que vous y étiez aussi. Mais on disait cette demoiselle alors en pays étranger, monsieur. Et d'ailleurs, je n'ai vu personne au château. Cela ne m'étonne point, monsieur, ajouta le baron d'un air fin. Mais le fait est que Mademoiselle de Beauménil, de retour en France depuis très peu de jours, avait voulu passer le premier temps du deuil de Madame sa mère dans ce château. Et comme elle voulait y être dans la plus complète solitude, elle avait recommandé un secret absolu sur son arrivée dans cette propriété. Soit, monsieur. Alors j'ai dû ignorer cette circonstance comme tout le monde, car je demeurais dans la maison du régisseur, située assez loin du château que l'on disait inhabité. Mais encore une fois, monsieur, à quoi bon me rappeler ? Je vous supplie, monsieur, de ne pas vous impatienter, dit le baron en interrompant Olivier, et de me prêter une religieuse attention, car il s'agit, je vous le répète, de choses du plus grave, du plus haut, du plus grand intérêt pour vous. Cet homme m'agace horriblement les nerfs avec ses redoublements d'épithètes. Où veut-il en venir ? Qu'ai-je de commun avec mademoiselle de Beauménil et ses châteaux ? Se demandait Olivier. Le maître maçon pour lequel vous avez fait plusieurs écritures, poursuivit le baron, n'a pas caché au régisseur que le produit de ces travaux que vous vous imposez pendant votre congé était destiné à venir en aide à monsieur votre oncle, que vous entouriez d'une tendresse filiale. Eh mon Dieu, monsieur, à quoi bon parler d'une chose si simple ? Je vous en conjure, arrivons au fait, au fait. Le fait, le voici, monsieur, reprit le baron avec un geste solennel. C'est que votre généreuse conduite envers monsieur votre oncle a été rapportée à mademoiselle de Beauménil par son régisseur. Eh bien, après, monsieur ? S'écria Olivier dont la patience était à bout. Ensuite, qu'en concluez-vous ? Où voulez-vous en venir ? Je veux en venir, monsieur, à vous apprendre que mademoiselle de Beauménil est une jeune personne du meilleur cœur, du plus noble caractère, et comme elle, plus sensible que personne aux actions généreuses. Aussi, lorsqu'elle a su votre dévouement pour monsieur votre oncle, elle a été si touchée qu'elle a désiré vous voir. « Moi ?» dit Olivier d'un ton parfaitement incrédule. « Oui, monsieur, ma pupille a voulu vous voir, mais sans être vue de vous. Et bien plus, elle a désiré vous entendre plusieurs fois causer en toute liberté, aussi d'accord avec le régisseur. En un mot, mademoiselle de Beauménil a trouvé le moyen d'assister, invisible pour vous, à plusieurs de vos entretiens, soit avec le dit régisseur, soit avec le maître maçon pour lequel vous travailliez. Ces entretiens ont tellement mis en relief aux yeux de ma pupille la droiture, l'élévation de vos sentiments, qu'elle a été aussi frappée de la noblesse de votre cœur que de vos agréments personnels et qu'alors... Monsieur, dit vivement Olivier en devenant pourpre, il me serait pénible de croire qu'un homme de votre âge et de votre gravité puisse s'amuser à faire de mauvaises plaisanteries, et pourtant je n'admettrai jamais que vous parliez sérieusement. J'ai eu l'honneur, monsieur, de vous communiquer l'acte qui me constitue le tuteur de mademoiselle de Beauménil, afin de vous donner toute créance en mes paroles. Je vous ai ensuite prévenu que ce que j'avais à vous dire devait vous paraître singulier, étrange, extraordinaire. Et vous ne pouvez croire qu'un homme de mon âge, posé d'une certaine façon dans un certain monde, ose se jouer des intérêts sacrés qui lui sont confiés, et veuille rendre un homme aussi honorable que vous, monsieur, la dupe d'une déplorable plaisanterie ?»« Soit, monsieur, » reprit Olivier, ramené par les paroles du baron. « J'ai eu tort, je l'avoue, de vous supposer capable d'une mystification et, cependant... »« Encore une fois, veuillez vous souvenir, monsieur, » dit le baron en interrompant Olivier, « que j'avais à vous apprendre des choses fort extraordinaires. Je poursuis. Mademoiselle de Beauménil a 16 ans. Elle est la plus riche héritière de France, donc... » ajouta le baron, en regardant Olivier d'un air significatif et appuyant sur ses derniers mots. « Donc, elle n'a pas à s'inquiéter de la fortune de celui qu'elle choisira pour époux. Elle veut, avant tout, se marier à un homme qui lui plaise et qui lui offre des garanties de bonheur pour l'avenir. Quant au nom, quant à la position sociale de celui qu'elle choisira, pourvu que ce nom et que cette position soient honorées, mademoiselle de Beauménil n'en demande pas davantage. Me comprenez-vous enfin, monsieur ?» « Monsieur, je vous ai prêté la plus sérieuse attention. Je comprends parfaitement que mademoiselle de Beauménil veuille se marier selon son goût, sans préoccupation de fortune ou de rang. Elle a, je crois, parfaitement raison. Mais pourquoi me dire tout ceci à moi, qui, de ma vie, n'ai vu mademoiselle de Beauménil et qui ne la verrait sans doute jamais ? Je vous dis ceci à vous, monsieur Olivier Raymond, parce que mademoiselle de Beauménil est persuadée que vous réunissez toutes les qualités qu'elle désirait rencontrer dans son mari. Aussi, après avoir pris les plus minutieuses informations sur vous, monsieur, je dois vous avouer qu'elles sont excellentes, j'ai, comme tuteur de mademoiselle de Beauménil, j'ai, dis-je, pouvoir et mission de vous proposer sa main. Le baron aurait pu parler plus longtemps encore qu'Olivier ne l'eût pas interrompu. Stupéfait de ce qu'il entendait, il ne pouvait croire à une mystification de la part de M. de la Rochegue, qui, malgré ses ridicules oratoires, était un homme d'un extérieur grave, de manière parfaite, et qui s'exprimait en fort bons termes. D'un autre côté, comment se persuader, fût-on doué du plus robuste amour-propre, et ce n'était pas le défaut d'Olivier, comment se persuader que la plus riche héritière de France eût pu s'éprendre si soudainement? Aussi, Olivier reprit-il, « Vous excuserez mon silence et ma stupeur, monsieur, car vous m'aviez vous-même prévenu que vous aviez à m'apprendre la chose la plus extraordinaire du monde. Remettez-vous, monsieur. Je conçois le trouble où vous plonge cette proposition. Je dois ajouter que mademoiselle de Beauménil sait parfaitement que vous ne pouvez accepter son offre avant de l'avoir vue et appréciée. J'aurai donc, aujourd'hui même, si vous le désirez, l'honneur de vous présenter à ma pupille. Mon seul désir est que vous trouviez tous deux dans vos convenances mutuelles la garantie, l'espoir, la certitude de votre bonheur à venir. » Après cette péroraison, le baron se dit « Ouf, c'est fini. » Je saurai tout à l'heure par ce diable de marquis le mot de l'énigme qui me paraît de plus en plus obscur. Durant cette première partie de l'entretien d'Olivier et du baron, mademoiselle de Beauménil, Herminie et le bossu avaient silencieusement écouté. Herminie comprenait alors le double but de l'épreuve à laquelle M. de Maillefort avait cru devoir soumettre Olivier. Mais Ernestine, malgré son aveugle confiance dans l'élévation des sentiments du jeune officier, éprouvait une angoisse inexprimable en attendant la réponse qu'il allait faire à l'étourdissante proposition du baron. Hélas, la tentation était si puissante. Combien de gens seraient capables d'y résister? Combien est-il qui, oubliant une promesse faite dans un premier élan de générosité à une pauvre petite fille sans nom, sans fortune, saisirait avidement cette occasion de posséder des richesses immenses? « Oh mon Dieu, malgré moi j'ai peur, » disait tout bas Ernestine à Herminie et au bossu. « Le renoncement que nous attendons de M. Olivier est peut-être au-dessus des forces humaines. Hélas, pourquoi ai-je consenti à cette épreuve ?»« Courage, mon enfant, » dit le marquis. « Ne songez qu'au bonheur, qu'à l'admiration que vous ressentirez, si Olivier ne faillit pas, à ce que nous devons attendre de lui. Mais, silence, écoutez, l'entretien continue. » Par un mouvement d'angoisse involontaire, Ernestine se jeta dans les bras d'Herminie et ce fut ainsi que toutes deux, palpitantes de crainte et d'espoir, attendirent la réponse d'Olivier. Celui-ci ne pouvait plus douter de ce qu'il y avait de sérieux dans l'offre incroyable qu'on lui faisait. Mais ne pouvant absolument se résoudre à l'attribuer à ses mérites, il vit dans cette proposition l'un de ces caprices romanesques assez familiers, dit-on, aux personnes que leur fortune exorbitante met dans une position exceptionnelle, et qui semble vouloir se jouer du sort à force d'excentricité. « Monsieur, répondit Olivier au baron d'une voix ferme et grave, après un assez long silence, si incroyable, je dirais presque si impossible, que me semble la démarche dont vous êtes chargé. Je vous donne ma parole d'homme d'honneur que, sans pouvoir me l'expliquer, je crois à sa sincérité. Croyez-y, monsieur, c'est l'important, c'est tout ce que je vous demande. J'y crois donc, monsieur. Et je ne cherche pas à pénétrer les motifs incompréhensibles qui ont pu un instant engager mademoiselle de Beauménil à songer à moi. Pardon, ces motifs, monsieur, je vous les ai fait connaître. Je le sais, monsieur, mais sans être d'une modestie ridicule, ces motifs ne me paraissent pas suffisants. Je n'ai pas d'ailleurs le droit de les apprécier, car il m'est impossible, monsieur, non pas d'accepter la main de mademoiselle de Beauménil. Un acte si grave est subordonné à 1000 circonstances imprévues, mais je vous donne à mon tour ma parole d'homme d'honneur, monsieur. » Dit le baron d'un air solennel dont Olivier fut frappé. « Qu'il dépend de vous, entendez-moi bien, de vous, absolument de vous, d'épouser mademoiselle de Beauménil, et qu'avant une heure, si vous le désirez, je vous présenterai à elle. Vous ne pourrez alors conserver le moindre doute sur l'offre que je vous fais. Je vous crois, monsieur, je vous le répète. Je voulais seulement vous dire qu'il m'est impossible de donner pour ma part aucune suite aux propositions que vous voulez bien me faire. » À son tour, le baron resta stupéfait. « Comment, monsieur, s'écria-t-il, vous refusez ? « Mais non, non, je comprends mal, sans doute, votre réponse. Il est impossible que vous soyez assez aveugle pour ne pas voir les avantages inouïs d'un pareil mariage. Je vais donc être plus précis, monsieur. Je refuse positivement ce mariage, tout en reconnaissant ce qu'il y a de trop flatteur pour moi dans les bienveillantes attentions de mademoiselle de Beauménil. Refuser la plus riche héritière de France, s'écrie le baron abasourdi. Accueillir avec ce dédain la démarche inouïe que mademoiselle de Beauménil permettait, monsieur, dit vivement Olivier en interrompant le baron. Je vous ai dit tout à l'heure combien je me sentais honoré de votre proposition aussi. Je serais désolé que vous puissiez interpréter mon refus d'une manière défavorable pour mademoiselle de Beauménil, que je n'ai pas l'honneur de connaître. Mais encore une fois, monsieur, je vous offre de vous la faire connaître. Cela est inutile, monsieur. Je ne doute pas du mérite de mademoiselle de Beauménil, mais puisqu'il faut tout vous dire, j'ai un engagement sacré, un engagement de cœur et d'honneur. Un engagement? En un mot, monsieur, je dois très prochainement me marier à une jeune personne que j'aime autant que je l'estime. Bon Dieu du ciel, monsieur, s'écria le malheureux baron presque suffoqué. Que m'apprenez-vous là? La vérité, monsieur. Et cette déclaration suffira, je l'espère, à vous prouver que je puis, sans aucune prévention contre mademoiselle de Beauménil, ne pas donner suite à la démarche que vous avez tentée auprès de moi. Mais si le mariage ne se fait pas, ma députation est manquée, pensait le baron, confondu de ce nouvel incident. Pourquoi diable? Le marquis me demandait-il mon consentement, puisque ce jeune fou, cet archi-fou, devait refuser un si fabuleux établissement. Et ma pupille, qui ce matin encore vient de me déclarer positivement qu'elle ne veut épouser que ce monsieur Olivier Raymond. Ah, pardieu! Le marquis m'avait bien dit que c'était une énigme. Toutes les énigmes ont un mot, et celle-là n'en a point. Le baron, ne voulant pas renoncer ainsi à son espérance de députation, reprit tout haut. Mon cher monsieur, je vous en conjure, réfléchissez bien. Vous avez un engagement sacré, à la bonne heure. Vous aimez une jeune fille, c'est à merveille. Mais Dieu merci, vous êtes libre encore. Et il est des sacrifices que l'on doit avoir le courage de faire à son avenir. Jugez donc, monsieur, plus de 3 millions de rentes en terre, cela ne s'est jamais refusé. Et la jeune fille que vous aimez, s'il vous aime réellement pour vous-même, sera la première. Si elle n'est pas affreusement égoïste à vous conseiller, la résignation à cette fortune inespérée, plus de 3 millions de rentes en terre, mon cher monsieur, en terre. Je vous ai dit, monsieur, que j'avais un engagement de cœur et d'honneur. Aussi je vois avec peine, ajouta sévèrement Olivier, que malgré les excellents renseignements que vous avez, dites-vous, recueillis sur moi, vous me croyez cependant capable d'une lâche et indigne action, monsieur. À Dieu ne plaise, mon cher monsieur. Je vous tiens pour le plus galant homme du monde, mais... Veuillez, monsieur, dit Olivier en se levant, faire connaître à mademoiselle de Beauménil les raisons qui dictent ma conduite, et je suis certain d'avance de mériter l'estime de votre pupille. Mais vous ne la méritez que trop, son estime, mon cher monsieur. Un pareil désintéressement est unique, admirable, sublime. Un pareil désintéressement est tout simple, monsieur. J'aime, je suis aimé. J'ai mis l'espoir et le bonheur de ma vie dans mon prochain mariage. Et Olivier fit un pas vers la porte. Monsieur, je vous en conjure, prenez quelques jours pour réfléchir. Ne cédez pas à ce premier mouvement. Encore une fois, plus de 3 millions de... Vous n'avez rien de plus à m'apprendre, monsieur, je suppose, dit Olivier, en interrompant le baron et en le saluant afin de prendre congé de lui. Monsieur, s'écria le baron, désolé. Je vous adjure de penser que votre refus fera le malheur de mademoiselle de Beauménil, car enfin, vous sentez bien qu'un tuteur, qu'un homme sérieux, ne fait la démarche que je fais auprès de vous, s'il n'est obligé par les plus graves intérêts. En d'autres termes, ma pupille sera désespérée de votre refus, elle en mourra peut-être. Monsieur, je vous supplie à mon tour d'avoir égard à la position pénible dans laquelle vous me mettez, position qu'il m'est impossible d'ailleurs de supporter plus longtemps, après l'aveu que j'ai cru devoir vous faire de mon prochain mariage. » Et Olivier salua une dernière fois le baron, se dirigea vers la porte et ajouta au moment de l'ouvrir « J'aurais désiré, monsieur, terminer moins brusquement cet entretien. Veuillez donc m'excuser et n'attribuer ma retraite qu'à votre insistance, qui me met dans la position la plus désagréable, je n'ose dire la plus ridicule du monde. » En disant ces mots, Olivier sortit, malgré les supplications désespérées du baron. Alors, celui-ci, désappointé, furieux, accourut dans le salon où étaient rassemblées les deux jeunes filles et le bossu, ouvrit brusquement les portières et s'écria « Ah ça, marquis, m'expliquerez-vous à la fin ce que cela signifie? De qui se moque-t-on ici? Ne voilà-t-il pas ce monsieur Olivier qui refuse la main de mademoiselle de Beauménil, qu'il dit n'avoir jamais vue de sa vie, tandis que vous m'assurez que lui et ma pupille s'adorent ?»